Planète Rap. Allez, envoie. Prends ton micro, tu bois, mon frère. Viens, Manu en esprit. Ah, c'est pour des verres, les enfoirés dans la maison. On est ensemble, les frères. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. En esprit. Carlos Gambinos. Allez, pêche fort. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. J'ai un coffret, des grosses red bars, la beuh t'as meudin. Je demande un JB consommateur d'amnésia. Je me barre au Tibet pour faire ce qu'il a Hnoucha. Ici règne des lance-bas, des micros dans des mouchoirs. Les feux que sont fils comme des cafards. Coup de fil perquise dans ton patard. Reste l'enfoiré que des lyrics de bâtard. Prends des poucas dans la veuca. Le petit mica prend de la meuca. J'ai vu l'avocat dans un repas. 2-3 meugas dans mon G-Square. 2-3 meugas dans mon G-Square. 2-3 que je reste dans un petit square. Carlos Gambino, je suis quelque part. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Carlos Gambino, je suis quelque part. Carlos Gambino, je suis quelque part. Quand Totorina dort au Mita, le studio plein de gens, tout le monde devant. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Le petit revient sur le terrain, plus à que la dernière fois. Il te l'a remise déjà deux fois, plus confiance à qui que ce soit. Même ta daronne personne que ça, et ta reçue percée peu ça. Façon les petits leur est-ce que ça. Deux, trois que si dans une cocha. Ils se souviennent de moi comme mon cocha. Ici sur le rein, t'es personne veut le coacher. Les grands sont scotchés, deux, trois verres de scotch. J'suis dans la rue d'un scotch. En morceau est rédigé, pesé comme un DJ quand you c'est l'ophané. Ouais, on t'en prend programmé tous les mois, toute l'année, de façon on est cramé. Ouais, quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. 1h, 92, 390. Carlos Gambino, j'suis quelque part. En esprit, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Ouais, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Libérez Mani, c'est sérieux. Libérez Six, Carlos Gambinos. Jason, Carlos, libérez Mouga Capo. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le studio planétaire? Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos Gambinos, Carlos. Libérez mon garçon Riggy. En esprit, en esprit, c'est pour tout le monde, les frères. Si j'ai oublié des places, désolé, je suis cuit, sa mère. En esprit, putain. Yo! Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.